Depuis l'enfance, je suis toujours en partance. Je vis contre le cours de ma vie. S'envole pour ailleurs, mais on n'est pas à l'heure. Parti, même loin de quelqu'un ou de quelqu'une, même pas pour aller chercher. Partir sans rien dire, vivre en s'en allant et en s'envolant. Et les gens, l'argent serait du vent. On y danse au partir sans rien dire. Mais c'est vrai, le temps nous prend trop de temps. Et on n'a pareil pour aucun soleil. Et pendant ce temps, on est vivant. Yeah.